Alors que moi, je suis devant mes scènes, et puis je traîne comme un honnête bœuf. Je vois ton pseudo qui me prend la tête, il est pas beau. C'est un sacré message, avec ta ganache. C'est la bataille des mots, ce soir je te casse le dos. Pseudo, pseudo, pour se dire je t'aime. Pseudo, pseudo, pour se dire je t'emmerde. Pseudo, pseudo, une phrase à la con. Pseudo, pseudo, un drôle de prénom. Pseudo, pseudo, pour des sentiments. Pseudo, pseudo, pour avoir l'air con. Pseudo, pseudo, et en chanson. Oh zut, voilà qu'elle se connecte avec sa rose noire en avatar. Mon cœur bat fort, je fais plus d'efforts, j'ai tort. Je reçois un whiz comme une bise. Ça y est, je vais discuter, ce soir je vais me dépuceler. Pseudo, pseudo pour déclarer sa flamme. Pseudo, pseudo pour mettre la webcam. Pseudo, pseudo, on délire entre potes. Pseudo, pseudo, on se moque des salopes. Pseudo, pseudo, on met un proverbe. Pseudo, pseudo, un thème superbe. Pseudo, pseudo, et sans peine. Pseudo, pseudo, je suis un super héros. Pseudo, pseudo, Goldorak ou Zorro. Pseudo, pseudo, je suis une vedette. Pseudo, pseudo, comme 50 Cent. Pseudo, pseudo, avec les marques. Pseudo, pseudo, avec ce qui nous épate. Pseudo, pseudo, et en vrac. Pseudo, pseudo, pour se dire je t'aime. Pseudo, pseudo, pour se dire je t'emmerde. Pseudo, pseudo, une phrase à la con. Pseudo, pseudo, un drôle de prénom. Pseudo, pseudo, pour des sentiments. Pseudo, pseudo, pour avoir l'air con. Pseudo, pseudo, et en chanson.